dernier, à 10h40 heure de Paris, une défaillance du moteur de la fusée Soyouz a provoqué le détachement de la capsule dans laquelle se trouvaient deux astronautes en partance pour la Station Spatiale Internationale. Plus de peur que de mal, les deux hommes ont pu atterrir sains et saufs à quelques centaines de kilomètres du pas de tir de Baïkonour. Alors si cet accident n'a pas eu d'issue tragique, il pointe l'extrême dépendance de la communauté spatiale internationale envers la fusée et la capsule Soyouz, qui était quasiment la seule à pouvoir envoyer des humains dans l'espace. La question qui se pose maintenant, après cette défaillance, quel avenir pour Soyouz ? Soyouz, une panne et ça repart. C'est l'incertain programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer le passé, le présent et surtout peut-être l'avenir de ce lanceur russe et de sa capsule, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Baudry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Maine au Mans. Ancien pilote d'essai, deuxième astronaute français dans l'espace, conférencier en activité aéronautique et spatiale. Et nous sommes ici depuis les studios de France Culture à la Maison de la Radio avec Christian Lardier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut français d'histoire de l'espace, co-auteur avec Stéphane Barinski des devis de Soyouz. C'est chez Edith. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé via franceculture.fr et puis également en podcast via votre application de podcast favorite et comme toujours en complément surtout tout au long de cette heure et même en différé d'ailleurs en vous abonnant au fil @laméthodefc où nous publions comme chaque jour tout au long de cette heure un certain nombre d'études, de schémas, de vidéos, d'archives qui viennent compléter l'écoute de cette émission. Alors pour commencer, bien peut-être un mot sur cet accident tout récent, un accident rare dans l'histoire du programme Soyouz. Un rapport a été publié la semaine dernière, le 1er novembre, qui donne un peu les tenants et les aboutissants de cet accident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé, peut-être, Christian Lardier ? Au décollage, la fusée est propulsée par un corps central et quatre boosters latéraux. Et donc, au bout de 114 secondes, la première chose qui est éjectée, c'est la tour de sauvetage, qui est tout en haut. Enfin, et donc ensuite, quelques secondes après, il y a la séparation des boosters qui sont éjectés. Et donc les boosters sont retenus par des rotules à la partie supérieure et par des croisillons à la partie inférieure. Mais lorsque la séparation se produit, donc on ouvre sur chaque booster, on ouvre une petite écoutille qui permet d'utiliser des gaz pour éloigner, on va dire, le booster de la partie supérieure. Donc sur les trois boosters qui ont bien fonctionné, donc cette écoutille s'est ouverte et les gaz ont éloigné les boosters, mais sur l'un d'entre eux, un capteur qui était tordu et donc probablement ce défaut a été au moment de l'assemblage à Baïkonour. Et donc ce capteur n'a pas pu permettre l'ouverture de l'écoutille et donc le booster ne s'est pas séparé, n'a pas été éloigné. Il a cogné contre le corps central et donc il a provoqué l'arrêt des moteurs et l'arrêt de la propulsion et donc la fusée s'est arrêtée de fonctionner et donc il a fallu éjecter immédiatement le vaisseau. Mais cette méthode de séparation du vaisseau, c'est ce qu'on appelle la phase 2 du système de sauvetage, parce que la première phase, c'est quand on utilise la fameuse tour de sauvetage, mais qui avait déjà été éjectée quelques secondes auparavant. Donc cette phase 2, elle consiste à éloigner le vaisseau, à le séparer en trois modules, hein, puisqu'il y a le module de service, la capsule et le compartiment orbital. Et donc la capsule se désolidarise et rentre en parachute de manière tout à fait naturelle. Donc il y a eu, enfin l'altitude n'était pas très très élevée. Oui, donc, on était à 2 minutes, hein, donc très, à 2 minutes, voilà, on donc, était à une centaine de kilomètres. Voilà, et donc le retour s'est fait avec simplement une accélération de 6,7 G, ce qui est normal pour un astronaute. C'est normal pour un astronaute, ce qui est beaucoup pour un être humain normal, mais c'est quand même c'est quasiment 7 fois le cette fois la pression de la gravité. Normalement, au décollage et au retour sur Terre pendant la descente atmosphérique, généralement à bord d'un Soyouz, quand il fonctionne nominalement, les astronautes subissent 4 G. Bon, 6,G, c'est un petit peu plus. Si il y avait eu un retour depuis l'orbite, hein, sur une trajectoire balistique, c'est-à-dire sans un guidage de la rentrée, à ce moment-là, les astronautes auraient subi beaucoup plus. Donc là, ils ont eu une accélération minimale. Et lorsque la capsule a atterri, donc on a vu les photos à l'atterrissage, la capsule était pratiquement intacte. C'est-à-dire qu'à la limite, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour la faire revoler telle qu'elle. Mmh. Ouais, elle n'était absolument pas abîmée. Patrick Baudry, peut-être un mot. Il y a une vidéo, hein, qui a été publiée d'ailleurs de dysfonctionnement où on voit qu'à un moment donné, il y a effectivement, comme vous venez de le dire, un des boosters qui se sépare mal l'éjection de la capsule. On va essayer de la trouver, de vous la mettre sur le fil Facebook de l'émission, sur le fil Twitter de l'émission. Patrick Baudry, un mot dans ces cas-là, les astronautes reprennent. C'est la première fois qu'il y a eu cette défaillance de séparation franche d'un booster. Si vous voulez, la fusée la Zimiorka, ou la fusée Soyouz, elle a 3 étages dans sa version habitée. 4 dans d'autres versions de lancement commerciaux. Et le premier étage, ce sont justement ces boosters dont parlait Christian Lardier. Et au bout de à peu près 114, 115 secondes, il y a arrêt du fonctionnement du premier étage et séparation. Et à ce moment-là, la propulsion est assurée par le deuxième étage, et ça continue. Donc là, ils étaient à 94 km, et ce qui fait que la rentrée a été assez tranquille, je dirais, dans la mesure où ils ont encaissé pas plus de 7 G. Et il faut savoir que dans l'avortement précédent, c'était en 83, je crois, à ce moment-là, là, c'était dû à une fuite de carburant. Et là, c'était au sol. Et c'est là que la fameuse tour de sauvetage a été actionnée. Ce sont quelques petits moteurs fusées, qui extrait le module de commande où se trouvent les 3 cosmonautes ou les 2 cosmonautes, selon les versions, selon les missions. Et elle accélère pendant 5-6 secondes avec une accélération assez forte, hein, de 14 à 16 G. Et ça monte à 650 mètres à peu près. Et ça retombe au bout des parachutes à peu près à 4 km. Donc ça, c'est une autre possibilité des opérations de sauvetage. La fusée, la Zimiorka et le vaisseau spatial Soyouz, c'est vraiment le système le plus sûr de lancement humain qui existe aujourd'hui et qui a existé jusqu'à présent. Et la troisième configuration, c'était la première défaillance, c'était en 75. Alors là, ils sont montés jusqu'à 180 km et ils sont retombés avec un angle assez prononcé. Ils avaient déjà une vitesse de plus de 5 km par seconde et ils ont encaissé 14-15 G et en pointe un peu plus de 21 G. Alors là, c'est déjà pas très confortable, disons. Autant 7 G, oui, c'est assez confortable dans la position que l'on a. Il faut bien comprendre qu'on est dans des baquets recroquevillé et que cette accélération elle est dans le sens poitrine d'eau. Donc c'est la position du corps la plus favorable pour encaisser des accélérations importantes. Et c'est pour ça qu'on peut encaisser de telles accélérations. Et c'est d'ailleurs dans ce but aussi, hein, qu'on sélectionne sur des critères physiques qui permettent à ces cosmonautes de supporter de telles accélérations. Donc là, ça a très bien fonctionné. Et ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il y a encore cette défaillance technique Et là, on est dans une petite période où il y a des défaillances ou des fissures, enfin des choses un peu bizarres qui arrivent très très peu souvent hein, dans la vie du lanceur Soyouz, hein, la R7 plus le Soyouz. On arrive à presque 2000 lancements, on est à, je crois, 1880 ou peut-être un peu plus. C'est ça, 1880 exactement. Ce qui est considérable. Avec très très peu d'échecs, hein, moins de quelques pourcents d'échecs. 98% de réussite, voilà. Selon les chiffres que j'ai pu me procurer. C'est quelque chose d'assez extraordinaire comme succès. Et en plus, ce système de sauvegarde qui a montré une fois de plus qu'il fonctionnait très bien. Enfin, c'est le concept même hein, du vaisseau spatial et de sa fusée de lancement qui fait qu'on sauve l'équipage, j'allais dire à tout coup. Hein, je m'avance peut-être un peu, je touche du bois en disant ça, mais enfin, pour l'instant, ça a toujours très très bien fonctionné. Alors justement, tout a très bien fonctionné. On va essayer de comprendre au cours de cette heure pourquoi et comment ce programme Soyouz, parce qu'il faut rappeler hein, que Soyouz, c'est à la fois la fusée, c'est-à-dire le lanceur et la capsule. Donc quand on parle de Soyouz, on parle indifféremment des deux ou en tout cas de l'ensemble du programme Soyouz. On va essayer de comprendre d'où, pourquoi cette robustesse, cette fiabilité extrême et inégalée dans l'histoire du lancement et notamment de l'accession de l'homme à l'espace. Pourtant, rappelons-nous que l'histoire avait plutôt mal commencé. Hein. On est allé retrouver dans notre boîte à archives le lancement de Soyouz 1, qui avait eu une conclusion funeste. Écoutez cet extrait d'Interactualité. Nous sommes le 24 avril 1967. Vladimir Komarov sera donc la première victime de l'espace. Vladimir Komarov s'est tué aujourd'hui. Il a trouvé une mort tragique alors qu'il revenait au sol aux commandes du premier exemplaire d'un engin spatial de conception nouvelle, Soyouz 1. La nouvelle a été annoncée brutalement cet après-midi à 17h17, heure de Moscou, soit 15h17, heure française, par un bulletin spécial de la radio et de la télévision soviétique. Les circonstances de la mort de Komarov, telles qu'elles sont rapportées par Radio Moscou, sont particulièrement tragiques. Alors Victor, vraiment, voulez-vous nous raconter ces heures de cet après-midi? D'après l'agence TASS, la mort de Komarov serait survenue dans les conditions suivantes. Le vaisseau spatial avait terminé sa mission et on avait demandé à Komarov d'abandonner son vaisseau à l'aide d'un parachute. Et c'est à 7 km de la Terre, alors qu'il voulait ouvrir la coupole supérieure de son parachute, que les sangles se sont tordues, et par conséquent, Komarov est tombé en vrille. Voilà les circonstances telles qu'elles sont décrites par l'agence TASS. Voilà, on peut dire que c'est effectivement un début d'histoire plutôt funeste, mais qui ne marque pas en fait la suite de ce qui va être l'aventure de Soyouz, Christian Lardier. Oui, alors si on remonte aux origines, le concept du vaisseau Soyouz date de 1962, et donc le nom qu'on lui a donné, le mot de Soyouz, qui en russe signifie « union », était simplement voilà destiné à opérer des rendez-vous orbitaux et à pour faire des assemblages à l'époque des années 60. Du côté américain, on a testé toutes ces techniques à bord de la capsule Gemini qui était le prédécesseur d'Apollo en fait hein, parce qu'il y avait toutes ces nouvelles technologies à maîtriser. Et donc côté soviétique, l'équivalent de Gemini, c'était le Soyouz. Alors, il a été mis au point entre 62 et 66. Bon, c'est relativement court hein, pour mettre au point un vaisseau habité, mais à l'époque, les choses allaient très vite. Il faut aussi rappeler que c'était une course entre les deux superpuissances. Et donc, il y avait des investissements massifs. Il y avait des investissements massifs, évidemment. Qui sont des dizaines de fois supérieurs en valeur absolue à ce que ce qu'on peut investir aujourd'hui, par exemple, à la NASA. Voilà. Mais donc, en ce qui concerne donc le Soyouz, le premier prototype, le vaisseau numéro 1, qui est sorti d'usine, il a été lancé en décembre 66, et la fusée a explosé sur la plateforme de lancement. Voilà. Le premier vol Soyouz, c'était une explosion sur la plateforme de lancement. Et la plateforme, d'ailleurs, de Baïkonour a été entièrement détruite, à tel point qu'il a fallu en rapatrier une de l'autre cosmodrome septentrional, celui de Plessetsk. Donc on a démonté une plateforme de Plessetsk pour la ramener à Baïkonour, parce que celle qui avait explosé n'était pas récupérable. Donc, alors j'ai entendu dans le reportage une petite chose qui m'a un peu perturbé. C'est que le commentateur dit que c'est la première victime de l'espace. Alors, c'était en avril 67. Et au mois de janvier 67, les Américains avaient déjà eu une tragédie, celle d'Apollo 1, avec 3 morts. Bien sûr. Voilà. Le premier vol d'Apollo qui s'était effectivement très mal passé. Voilà. Donc, juste pour rappeler les circonstances. Donc, les choses allaient très vite et à cette époque-là, bon, il y avait certaines impasses techniques qui étaient faites. Et puis, il y avait la pression politique aussi. Hein, il fallait aller très, très vite. Et donc, le Soyouz a été testé plusieurs fois de manière automatique, en orbite autour de la Terre, au début de l'année 67. Donc, ça portait des noms bizarres de satellite Cosmos, etc. Mais chaque vol qui a précédé Soyouz 1... était soit un demi-échec ou un échec. Et lorsque le cosmonaute Komarov donc est monté dans son vaisseau, la mission principale à l'époque était de faire un rendez-vous orbital et un transfert d'équipage d'un vaisseau à l'autre. C'est ce qui était prévu en avril 1967. Entre Soyouz 1 et Soyouz 2. Entre Soyouz 1 et Soyouz 2. Mmh. Bon. Donc il y avait, après le lancement de Komarov, il y avait un autre équipage qui attendait d'être lancé le lendemain. Mais malheureusement, les problèmes de Komarov ont commencé dès le début de la mission. C'est-à-dire que les problèmes techniques sont arrivés les uns après les autres. Il y a d'abord eu un panneau solaire qui s'est pas déployé, donc un manque d'énergie. Ensuite, il y a eu des capteurs d'orientation qui ne fonctionnaient pas bien. Ensuite, tout allait mal. Et on a demandé à Komarov de procéder à son retour prématuré. Et le lancement du deuxième équipage a été annulé. Il a été annulé par ailleurs pour également des conditions météo, je crois, qui rendaient impossible le lancement de Baïkonour. Bon. Ah, ça, je parle sous votre contrôle, hein, mais bah, c'est ce que j'ai lu en préparant cette émission. Ils étaient prêts et ça a été une décision qu'il a fallu prendre. Le retour a été scabreux, hein, puisque il y a eu plusieurs tentatives, une à la 16e orbite, puis à la 17e, puis à la 18e orbite, etc. Et il fallait que Komarov arrive à stabiliser son vaisseau pour procéder à la mise à feu du moteur de freinage. Bon, et il a réussi. Bon, il a réussi, donc c'était quand même incroyable. Et son vaisseau donc est rentré dans l'atmosphère normalement. Et au moment, comme on disait pendant le reportage, que à 7 km d'altitude, quand s'ouvre le compartiment des parachutes, il y a d'abord un parachute de freinage qui s'ouvre, et ensuite il y a le parachute principal qui est une grande coupole de 1000 m². Et donc, normalement, ça aurait dû fonctionner. C'est-à-dire que Komarov aurait dû être récupéré sain et sauf. Sauf que l'ultime problème que personne n'avait envisagé, c'est la déformation, lorsque l'écoutille des parachutes s'ouvre, la déformation du compartiment à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait un différentiel de pression qui n'avait pas été bien compris par le constructeur du système de la capsule et du système donc la déformation du compartiment a empêché le parachute de s'ouvrir, le parachute principal, et donc il était en torche comme il était dit tout à l'heure, sauf que la procédure, les automatismes ont provoqué l'ouverture du parachute de secours. Quand le principal n'est pas ouvert, on ouvre le secours. Et le secours s'est enroulé autour du principal. Voilà. Et donc, c'était vraiment le drame. Voilà. Patrick Baudry, sur cette première, sur ce premier échec et ce premier mort de du programme Soyouz. Et puis on peut dire aussi, peut-être pour élargir un peu, et puis ensuite on va quand même parler de ses qualités, parce que il n'y a pas eu que des défauts dans le programme Soyouz, même si les débuts ont été complexes, comme on vient de l'entendre de la part de Christian Lardier. C'est que finalement, à part les morts de 1971 qui sont décédés pour à cause d'un problème de pression et de dépressurisation de la cabine dans l'espace, finalement Soyouz est un programme qui est resté très très sûr et qui n'a pas beaucoup de morts proportionnellement au nombre d'êtres humains qui ont emprunté ces fusées, ces capsules pour aller dans l'espace. Oui, bien sûr, c'est un système extrêmement sûr et les deux accidents, celui de Komarov, celui de Patseyev, Dobrovolsky et le troisième, bon, Volkov. Volkov, ces deux accidents ont été provoqués par la hâte que les Soviétiques avaient de développer leur vaisseau spatial Soyouz. Alors nous, on faisait la distinction entre la fusée, la Zimurka, RCM, R7, et le Soyouz. Le Soyouz, pour moi, c'est le vaisseau spatial, et la Zimurka, c'est la fusée. Ce sont deux systèmes très très différents, bien sûr, il y a un lanceur et un lancé. Et alors aujourd'hui, au fil du temps, maintenant on appelle l'ensemble Soyouz, la fusée elle-même. Bon, je précise ça parce que des fois il est un petit peu difficile de suivre le raisonnement entre le vaisseau spatial lui-même et le lanceur. Alors, en ce qui concerne Komarov, c'était un grand pilote d'essai et effectivement il a réussi à maîtriser l'attitude du Soyouz, donc le vaisseau spatial, hein, qui était depuis longtemps séparé de son lanceur, bien sûr, parce qu'il était déjà dans l'espace, de manière à avoir une attitude qui lui permettait d'allumer les rétrofusées pour revenir vers la Terre, effectuer la rentrée. Et il a joué de malchance dans la mesure où, comme l'a expliqué Christian Lardier, il y a eu un problème d'ouverture du parachute principal, la grande coupole de 1000 mètres carrés, et ensuite, bon, le parachute de secours, bon, il y a eu vraiment un enchaînement de mauvaises circonstances, et ceci, c'est vraiment dû à la hâte qu'avaient les Soviétiques à l'époque pour développer ce vaisseau spatial nouveau, le Soyouz, qui était quelque chose d'extrêmement important pour eux. Même chose pour l'accident suivant avec les trois cosmonautes. Alors, cette fois-ci, ils voulaient rendre le Soyouz triplace, alors qu'il avait été conçu initialement pour deux cosmonautes seulement. Et pour le rendre capable d'emmener trois cosmonautes, et pour aller plus vite en quelque sorte, pour gagner du temps dans leur course avec les Américains, eh bien, ils ont embarqué les cosmonautes sans scaphandre de survie. Or, quand il y a une dépressurisation, c'est votre scaphandre de survie qui vous permet de survivre, parce qu'il se gonfle, et donc vous pouvez survivre à l'événement. Et là, ils n'avaient aucun scaphandre, et donc, hélas, ils sont décédés tous les trois. Donc, dans ce cas, la capsule du Soyouz est arrivée au sol intacte, dans des bonnes conditions, etc. Mais quand l'équipe de secours de récupération a ouvert le SAS, eh bien, ils ont trouvé les trois cosmonautes déjà décédés. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h23 sur France Culture, nous parlons de l'aventure Soyouz tout au long de cette heure en compagnie de Patrick Baudry qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Maine au Mans et ici avec Christian Lardier qui est ici avec nous. Alors après avoir examiné les défaillances et les accidents, on va s'intéresser à tout l'inverse, à la robustesse et à la fiabilité de cette fusée, de cette capsule Soyouz. Peut-être un mot, Patrick Baudry, puisque vous y avez embarqué, vous avez été entraîné d'ailleurs à piloter Soyouz, même si la plupart du temps ce sont toujours des cosmonautes russes qui sont aux commandes pour piloter la capsule. Oui, les commandants de bord sont toujours russes. C'est un vaisseau spatial russe et le commandement à bord est toujours détenu par un russe. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les accidents dont on a parlé ont eu lieu au début de la vie du Soyouz. Et ils ont été le prix à payer pour développer le vaisseau spatial habité le plus sain, le plus sûr qu'on n'ait jamais vu finalement, et qui est celui qui est utilisé aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a toujours dans le développement d'un véhicule de transport nouveau, vaisseau spatial ou autre, ou avion ou autre, il y a toujours une phase de développement, d'essai avec des prises de risques, toujours des incertitudes, hein, on ne maîtrise pas forcément tout, et donc surtout, et j'insiste là-dessus, qu'à cette époque, les choses devaient se faire le plus rapidement possible, il y avait des impasses qui étaient effectuées malheureusement, et qui ont amené des accidents. Mais ça a donné vraiment le vaisseau Soyouz, vaisseau spatial Soyouz, qui est vraiment une machine extraordinaire, qui a effectué un nombre de missions considérables, qui a emmené des gens en toute sécurité, même lorsqu'il y avait des défaillances techniques du lanceur. Alors, pour comprendre un peu d'où viennent cette robustesse et les qualités de cette capsule et de ce vaisseau spatial, nous sommes rendus au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez pu voir avec vos yeux une capsule Soyouz, une capsule réelle issue de la mission Soyouz T6 qui date de juillet 80. Oui, tout à fait, une capsule authentique, celle que Jean-Loup Chrétien a habitée le 2 juillet 80 lors de son retour sur Terre depuis la 82. Station... 82, excusez-moi, merci de me corriger. Donc depuis son retour sur Terre depuis la station spatiale Salyut 7. Et je suis allée voir de plus près cette capsule qui est aujourd'hui exposée dans la galerie Conquête Spatiale du musée. Et c'est Mathieu Bellard, qui est conférencier et directeur du Planétarium, qui m'a expliqué le fonctionnement de la capsule à travers les différents modules et les différentes phases au décollage, amarrage et atterrissage. Soyouz, c'est à la fois le nom de la fusée, enfin de ce qu'on appelle le lanceur, ce qui va lancer la capsule, et du vaisseau qui, lui, va dans l'espace. Et ce lanceur qu'on appelle Soyouz, en fait, il est tiré d'une fusée russe, la Semyorka, qui est elle-même tirée d'un missile nucléaire. En fait, à l'origine, ça s'appelle le missile R-7, c'était fait pour la guerre froide, et ça a été lancé ensuite dans l'espace. Hein, c'est ce type de fusée qui a lancé le premier satellite, le Sputnik, la première chienne dans l'espace Laïka, le premier être humain Yuri Gagarin, la première femme Valentina Tereshkova. Et donc au sommet, dans la coiffe, il y a le vaisseau Soyouz, utilisé actuellement par les Russes pour envoyer des êtres humains dans l'espace. Alors derrière vous, il y a une réplique, hein, enfin une maquette de la capsule T6 Soyouz. Voilà, donc c'est en trois parties. Donc il y a une partie avec des panneaux solaires qui se déplient, qui se situent un peu entre guillemets à l'arrière. C'est une partie qui est inhabitée, c'est une partie très technique. Vous avez le moteur principal, vous avez des éléments techniques, donc tout ce qui va servir à l'alimentation, une partie de l'énergie. Et ensuite, il y a deux modules qui sont devant. Donc le module qui est tout devant, qu'on reconnaît sur notre maquette avec un trait bleu qui est tout blanc, hein, c'est ce qu'on appelle le module orbital. C'est-à-dire que c'est un module que les cosmonautes, puisqu'on est chez les soviétiques, vont pouvoir utiliser à l'aller. Et au milieu, vous avez le module de rentrée. Donc c'est la partie que nous avons, parce que c'est la seule partie qui revient sur la Terre. Donc elle est suffisamment résistante pour résister à la chaleur lors de la rentrée atmosphérique. Alors juste avant ça, au moment où le module se met en orbite, les cosmonautes peuvent sortir pour aller dans l'habitacle. Oui, tout à fait. Ils vont pouvoir faire les premiers réglages. Oui, ils ont une possibilité, effectivement. En fait, vous avez des phases dangereuses. Dans les phases dangereuses du vol, ils sont obligés de porter la combinaison qu'on appelle la combinaison Sokol, qui permet de les protéger notamment d'une dépressurisation, d'une perte d'oxygène. Il faut s'imaginer que donc ce vaisseau reste en un seul bloc. Au moment où il arrive, il se met au contact de la station spatiale. Alors Salyut dans notre cas, puisque c'était dans les années 70. Ensuite, ça a été la station Mir, puis maintenant la station spatiale internationale. Et tous ces processus prennent combien de temps entre l'entrée dans l'atmosphère? C'est beaucoup plus long pour monter en orbite. Effectivement, après, c'est très, très, très lent. Faut vous imaginer, c'est à quelques centimètres par seconde à peine. Vous avancez très lentement, très précautionneusement. Vous avez un périscope, en fait, sur le côté, parce qu'il ne voit pas, en fait, devant. Si on peut considérer le devant, en fait, dans l'axe du véhicule, devant, en fait, ils ne voient pas. Donc, ils ont un périscope sur le côté, ils ont des caméras. On le voit sur notre maquette, ils ont aussi des antennes d'amarrage qui vont leur permettre, en fait, de s'amarrer en toute sécurité. Et alors là, on est face à une maquette, mais quelles sont les dimensions réelles de la capsule ? Ben, on peut le voir devant, en fait. Hein. Le module de rentrée, il fait sa hauteur, c'est grosso modo à peu près la taille d'un être humain. On est à peu près, c'est un tout petit peu plus grand, mais on est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Il faut s'imaginer trois cosmonautes à l'intérieur. Évidemment, c'est très petit. Voilà. D'ailleurs, une contrainte physique, c'est leur taille. Aux cosmonautes, ils ne doivent pas dépasser une certaine taille assis. Oui, et ça se voit aussi d'ailleurs sur les, notamment quand on voit Yuri Gagarin, quand on le voit avec des gens à côté sur des photos, on se rend compte qu'il n'est pas grand. Parce que très souvent, ce que les gens se rendent pas compte quand on regarde à l'intérieur de notre capsule ici, donc qui est donc une vraie, hein, ce qu'on voit à l'intérieur, c'est vraiment le Soyuz T6. C'est qu'on s'imagine habillé comme vous et moi, avec des habits à peu près normaux. Mais non, on a en plus la combinaison Sokol, donc déjà qui prend de la place. Et ensuite, tout ce qu'on va ramener, les expériences qui sont collées un petit peu partout, où on voit qu'en fait, il y a très, très, très peu de place. Ah, c'est vrai que là, avec le tableau de bord, les sièges qui sont énormes, puisqu'il faut que les sièges épousent absolument le corps pour pas qu'il y ait trop de déplacements. Donc, tous ces équipements prennent énormément de place. Oui, effectivement. Donc, il y a ces sièges-là qui sont au nombre de trois, légèrement en éventail. Et puis, évidemment, il faut savoir parler russe, puisque tout est écrit en russe. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains et puis les Soviétiques, la guerre froide, avaient soit des bateaux, soit des stations de relais qu'ils ont déplacé un peu partout dans le monde pour pouvoir relayer le signal de leur capsule. Parce que la capsule, elle fait le tour de la Terre, ça, on n'a pas le choix. Donc, il y a des moments où vous perdez le signal, et donc, dans les premières missions, le centre de contrôle perdait les signaux. Les astronautes et cosmonautes, Thomas Pesquet, il a appris le russe pour partir sur un vaisseau Soyuz. Donc, nous, la capsule, en fait, elle est couchée par rapport à la position où elle revient sur la Terre. Et donc, il y a une partie grise, sans rien, où c'est la partie où on voit marqué CCCP. Et d'ailleurs, en blanc, vous avez les instructions de sortie. C'est-à-dire que si vous regardez bien... Ah oui, il y a un schéma avec des instructions en cyrillique. Si quelqu'un ne sait pas comment faire, et ben ça y est marqué. Alors, c'est marqué en cyrillique, mais en anglais. Alors, vous savez pourquoi en anglais? Parce que la capsule, il peut y arriver qu'elle tombe vraiment dans un endroit où on n'a pas prévu. Les astronautes et cosmonautes, quel que soit leur pays, sont entraînés à pouvoir se débrouiller pendant un certain nombre d'heures, voire de jours, avec uniquement le matériel qu'ils ont, dans les conditions qu'ils peuvent trouver sur la Terre. Ils peuvent tomber dans un désert, ils peuvent tomber dans la mer, ils peuvent tomber dans une steppe enneigée. C'est déjà arrivé sur des missions soviétiques, ils tombent, il fallait les chercher, on les retrouve le lendemain. Donc ils sont entraînés. Mais vous avez aussi, pour les faire sortir, vous avez le schéma en fait, qui est indiqué comment faire sortir les astronautes et les cosmonautes de leur capsule. Le mode d'emploi, quoi. Voilà, exactement. C'est le mode d'emploi pour des gens qui seraient à l'extérieur et pour essayer de comprendre comment faire sortir ces personnes. Soyuz mode d'emploi avec cette capsule de juillet 1982, donc, et pas 1980, ce Soyuz T6. Une réaction peut-être l'un et l'autre, Patrick Baudry, vous qui connaissez bien, vous qui avez pratiqué ces capsules. Oui, ce qu'il faut comprendre, et on le comprend bien avec votre petit reportage, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et je dirais que la plus grosse difficulté pour un cosmonaute qui vole à bord d'un Soyuz russe, c'est justement ce manque de place qui fait que pendant des heures, on est dans ce baquet, tout recroquevillé, d'ailleurs les genoux repliés, et en plus avec les scaphandres, ce sont des scaphandres, hein, pas des combinaisons, les socoles. C'est-à-dire, ce sont des, comme je l'ai dit tout à l'heure, des scaphandres imperméables qui sont gonflés lorsqu'il y a une dépressurisation, qui nous permettent de survivre. Une combinaison, c'est un habit qui, lui, n'offre pas une protection contre la dépressurisation. Donc ces scaphandres, ils prennent évidemment de la place, et il y a vraiment très très très très peu de place. Et pour appuyer sur les boutons du tableau de bord, on peut tellement bouger très très difficilement que le commandant de bord, par exemple, qui lui pilote pendant la Stikovka, le rendez-vous et l'arrimage, il a une espèce de petit bâton, de petit bâtonnet qui lui permet d'enfoncer les boutons qui sont hors de sa portée. Et lorsqu'on est ficelé dans le baquet, on peut vraiment pas atteindre les boutons. C'est vraiment extrêmement exigu. Et quand vous terminez un entraînement de plusieurs heures à bord du Soyuz ou du simulateur, et il vous faut un petit peu de temps avant de récupérer vos articulations. Ouais, mais ceci dit, ça vous donne une résistance aux accélérations et à tout qui est extraordinaire. On pense notamment récemment à Thomas Pesquet, hein, qui, lors de son dernier vol, a passé 72 heures avant de rejoindre... De son seul vol. De son seul vol, de son premier vol, parce qu'on espère qu'il y en aura d'autres pour lui, bien entendu. Après 200 autres qui ont volé à bord du Soyuz. Ouais. Mais 72 heures, c'est très long. Ça veut dire 72 heures ficelées comme ça dans le baquet sans bouger du tout. Non, parce que pendant les 72 heures, une fois que vous êtes en orbite et que tout se passe bien, vous allez dans le module orbital et là vous quittez votre scaphandre et vous pouvez, disons, vivre, non pas normalement, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de place non plus, mais enfin vous n'êtes plus ficelé, vous êtes plus contraint et donc vous pouvez, une fois que vous avez sorti le scaphandre, changer de sous-vêtements, enfin quand même. Non, c'est vraiment là, je dirais, tout le temps que vous passez pendant le compte à rebours à bord du Soyouz sur le pas de tir, qui est très long, hein, 2 heures de compte à rebours, plus le temps de la mise en orbite, plus le temps des vérifications, tout ça. Et comme l'a très bien expliqué tout à l'heure la personne qui était au musée de l'air, dans toutes les phases dynamiques d'un vol spatial, vous vous réfugiez en quelque sorte, entre guillemets, dans le module de commande, dans le module où justement sont ces trois sièges et vous fermez tout et là vous êtes en sécurité. Christian Lardy, une réflexion, une réaction à ce reportage en règle générale, vous qui connaissez bien aussi ces capsules. Oui, je connais le musée de l'air, je connais Mathieu Bellard, il était mon ancien collègue journaliste à Aérocosmos, et je connais aussi la capsule T6 du Bourget, bien sûr, puisqu'en juin 1982, donc j'étais moi-même à Moscou pour le lancement de Jean-Loup Chrétien, pendant que Patrick, lui, était à Baïkonour. Et voilà. Donc, je voudrais juste faire un petit retour, pour quelques précisions. Donc, en ce qui concerne le voyage dans l'espace, dans ce qu'on appelait les survêtements, c'est-à-dire lorsque les cosmonautes partaient sans scaphandre, hein, c'est-à-dire ils étaient en survêtements. Mmh, oui, bon. Tout à fait. Donc, ça date de 1964 avec le premier équipage. De toute l'histoire du spatial, donc le premier équipage, c'est celui de Vosrod 1 en 1964. Il y avait donc 3 hommes à bord, ils étaient sans scaphandre. Et ce vaisseau Vosrod avait une particularité, c'est que il ne disposait d'aucun moyen de sauvetage. Mmh, c'est vrai. pas plus que Gagarine d'ailleurs. Hein, Gagarine, qui lui avait un scaphandre par contre. Gagarine, il avait un siège éjectable dans le Vostok. Ouais, il avait le siège éjectable, ouais. Et il revenait sur Terre au bout de parachute personnel. Oui, parce après que s'être éjecté de la capsule. Oui, parce que le siège éjectable pouvait servir soit au sauvetage au décollage, et ensuite il servait pour la récupération. Et tous les cosmonautes qui ont volé sur Vostok, hein, les Nikolaev, mm-hmm. Popovitch, Bikovsky, Tereshkova, se sont tous éjectés avec leur siège éjectable. Hein. Ils sont tous revenus de manière individuelle avec leur petit parachute. Mm-hmm. Parce que le problème à l'époque, c'était que quand même le choc de l'atterrissage était un petit peu trop quand même violent, viril. Mmh. Oui, si vous voulez. C'est un terme qu'on a retenu depuis quelques années, le mot viril. Je ne sais plus qui l'a prononcé, mais okay, pourquoi pas. Et donc le Vosrod, il y avait déjà des cosmonautes en survêtement. Et ensuite, lorsque le Soyouz a été conçu, donc pour la première mission qui était celle de Soyouz 1, Soyouz 2 avec Komarov, donc il s'agissait donc de un Soyouz 1 avec un pilote et d'un Soyouz 2 avec 3 personnes à bord. Et ces 3 personnes étaient en survêtement. Et donc le Soyouz, du Soyouz 1 jusqu'au 11, c'est-à-dire celui où il y a eu l'accident de dépressurisation, pendant toute cette période-là, de 1967 à 1971, les cosmonautes étaient en survêtement. Et les Russes n'avaient pas l'intention de changer ça. Ils estimaient que c'était pas nécessaire de mettre des scaphandres pendant la phase dynamique du décollage. Et donc, c'est seulement à partir de l'accident de Soyouz 11 que l'utilisation de la combinaison Sokol a été, enfin du scaphandre, a été réintroduite. Et donc depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, on les voit tous au décollage avec leur Sokol. hein, leur fameux survol. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est interrompu à bord de la navette spatiale où on n'avait pas de scaphandre, on partait aussi en pyjama. Mm-hmm. Exactement. Et on voit bien. Et on jusqu'à l'accident Challenger, et là, à nouveau, les astronautes ont utilisé des scaphandres. Ce qu'il faut préciser là sur le Soyouz, ce qui est intéressant peut-être, c'est l'atterrissage justement, il y a ce déploiement successif, différents parachutes, stabilisation, puis la grande coupole de 1000 m². Et ensuite, quand on arrive à 90 cm du sol, il y a allumage de petites rétrofusées qui font que l'impact est réellement très amorti. Et pour suppléer à une panne éventuelle de ces rétrofusées, les Russes ont un système extrêmement ingénieux sur les sièges. Je vous ai dit, on est dans une espèce de coquille. Ces coquilles reposent sur un vérin avec des tubes métalliques concentriques. Ce vérin est déployé quand on est à une certaine hauteur du sol, ce qui fait que même si les rétrofusées ne fonctionnaient pas, il n'y aurait pas ce choc viril dont parlait Christian Lardier. En fait, les tubes en acier rentrent les uns dans les autres et amortissent le choc. Donc c'est extrêmement astucieux et ça fonctionne très bien tout cela. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. Rocketman d'Elton John à 16h41 sur France Culture pour évoquer l'aventure Soyouz tout au long de cette heure avec Patrick Baudry qui est avec nous en duplex depuis France Bleu au Mans. Patrick Baudry, ancien pilote d'essai, deuxième astronaute français dans l'espace, conférencier en activité aéronautique et spatiale, et ici à Paris avec Christian Lardier, président de l'Institut français d'histoire de l'espace, co-auteur avec Stéphane Barensky des devis de Soyouz. C'est édité chez Edith. Alors peut-être un mot tout de même, parce que quand on lit cette aventure de Soyouz, on sait, pour en avoir beaucoup parlé à ce micro, que l'espace, que l'aventure spatiale est très conservatrice, que quand quelque chose fonctionne, quand quelque chose est sûr, eh bien on le garde le plus longtemps possible. Soyouz en est certainement un peu l'incarnation, Patrick Baudry, parce que, à part évidemment un certain nombre d'améliorations, notamment en termes informatiques, notamment en termes d'allègement du poids. Grosso modo, les capsules qui volent aujourd'hui sont très proches de celles qui volaient au tout début dans les années 60. Oui, absolument. Vous avez raison, on est un peu conservateur dans ces métiers où il y a un certain nombre de risques. Et quelque chose qui marche très bien, on a tendance à le conserver. Néanmoins, le Soyouz a beaucoup évolué depuis le début, mais comme vous l'avez très bien dit, sur le plan de la gestion des systèmes, c'est-à-dire sur le plan de l'intelligence du calculateur de bord. Le premier ordinateur de bord, je crois, est embarqué à bord de la version Soyouz-T, qui a dû commencer à voler en 1980 ou 81, et c'était déjà un grand progrès. Mais dans le Soyouz, il faut quand même imaginer que nous, quand on était à la Cité des Étoiles avec Jean-Loup, on a découvert ce Soyouz et il y avait quelque chose qui nous fascinait, c'est que vous avez une map monde, enfin un petit globe terrestre derrière une vitre. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'instrument de navigation. Et comment fonctionne-t-il? C'est pas un GPS, il n'y avait pas de GPS à l'époque, ni tout cela, ni c'est pas une centrale inertie, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui fonctionne comme une pièce d'horlogerie. C'est-à-dire ça tourne sur une vitesse qui est définie et qui est fixe. On connaît notre vitesse. Hein. De toute façon, quand on est dans l'espace, c'est 7,8 km par seconde. On fait un tour de Terre toutes les 16 heures, donc on connaît ça parfaitement. Et le globe tourne, donc on sait au-dessus de quelle partie du monde on se trouve. Et c'est un instrument, alors ça nous faisait un peu sourire, parce que quand vous êtes enfermé là-dedans et vous travaillez, vous entendez tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est vraiment une horloge qui tourne, donc ça nous faisait rire. Mais c'est très important, parce que quand il y a une panne, notamment électrique, et c'est les pannes principales, si vous voulez, de systèmes qui s'arrêtent de fonctionner, aussitôt, on le sait, parce que le tic-tac n'est plus couvert par aucun autre bruit, et donc il devient prédominant, et on sait que là, il y a un gros problème qui arrive. Ça, c'est l'entraînement, bien sûr. Un mot peut-être, Christian Lardier, sur les améliorations. Alors on sait que évidemment dans l'espace, plus on est léger, moins le poids est lourd, moins on consomme de carburant, moins on consomme de carburant, plus on peut lancer de masse utile. Enfin que tout ça, c'est vraiment calculé au millimètre près. Quels sont aujourd'hui dans la dernière version du Soyouz, qui est très récente, hein, le Soyouz là qui a eu ce problème, cet accident le 11 octobre, c'est une nouvelle version qui a été mise en service il y a 2 ans à peine, je crois. Oui, c'est le MS. Voilà, c'est ça, MS, le Soyouz, oui. MS. C'est, enfin, pour reprendre un petit peu ce que disait Patrick Baudry, le Soyouz, c'est une configuration générale qui est la même depuis 50 ans, hein, mais l'intérieur, ce qu'on appelle les sous-systèmes, ont été considérablement améliorés et aujourd'hui, ils n'ont pratiquement plus rien à voir avec le Soyouz d'origine. Hein. Bon, alors par ailleurs, il y a des éléments qui ont été rajoutés, comme le disait Patrick, là le fameux ordinateur qui est arrivé au moment du Soyouz T. Alors bon, des versions de Soyouz, moi, je les ai pas comptées, mais je crois qu'il y en a une dizaine de versions différentes. Il y a eu une époque où les soviétiques avaient retiré les panneaux solaires, par exemple, parce qu'ils estimaient que il fallait juste de 48 heures pour atteindre la station orbitale, qu'elle soit civile ou militaire d'ailleurs, parce qu'il y a eu les deux, hein, il y a eu les stations Salyut civiles et ce qu'on appelait les Almaz, qui étaient des stations militaires. Et donc pour rejoindre la station en 2 jours, les batteries suffisaient, il n'y avait pas besoin de panneaux solaires. Bon, malgré tout, ça a causé quelques problèmes et ils sont revenus aux panneaux solaires. Bon, à un moment donné, le Soyouz, comme on le disait tout à l'heure, qui au départ était prévu en survêtement, donc après est passé avec scaphandre. Donc c'est des versions. À chaque fois, il y a des modifications, etc. Donc l'EMS, c'est l'ultime version. Je ne crois pas d'ailleurs. Je ne crois pas que ce soit l'ultime version, parce que j'ai vu récemment à Moscou, lors de conférences, la société Energia, qui les fabrique et qui les produit en série, j'ai vu des projets pour des versions futures, de nouvelles versions. Donc ça n'est pas terminé. Simplement, bon, le Soyouz quand même va finir par être remplacé dans quelques années par Federatsiya, le nouveau vaisseau habité Federatsiya, qui devrait faire son premier vol habité en 2023. Donc dans 5 ans. Ça a été repoussé un peu, mais enfin c'est annoncé, de façon imminente. Oui. Voilà, dans 5 ans. Donc par ailleurs, en 2024. Il y a la fin programmée de la station internationale, hein, donc à moins que Américains et Russes et Européens prolongent la station encore de quelques années jusqu'en 2028, parce que bon, ça a été évoqué, mais pour l'instant c'est pas financé. Donc en 2024 la station s'arrête et en 2023 le Federatia arrive. Hein, donc il va y avoir une phase de transition. Le Federatia va être utilisé pour le programme national russe. Sauf que le programme national russe, on ne sait pas encore très très bien qu'est-ce que ça va être. Quels sont les objectifs? Il y avait un projet d'une station orbitale nationale, hein, c'est-à-dire qui serait l'équivalent du segment russe de l'ISS, mais qui serait indépendant. Hein. Donc c'est une plus petite. Oui, Patrick Baudu. Si je peux t'interrompre juste une minute, tout le monde a compris depuis fort longtemps que les stations spatiales telles qu'elles sont définies aujourd'hui ne servent strictement à rien. L'ISS, c'est vraiment pathétique de voir qu'on la prolonge, et j'espère vraiment qu'elle va disparaître le plus vite possible. Vous allez vous faire des amis à l'ESA, Patrick Baudry. Je pense pas, oh là là, l'ESA, alors là, je veux dire, c'est une agence remarquable, mais en ce qui concerne les vols habités, c'est surtout une agence de voyage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes, comme les Américains, comme tout le monde, ont compris qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de réellement important en orbite autour de la Terre, dont, à part du tourisme. Donc, beaucoup de projets sont en train de mûrir en ce qui concerne le tourisme spatial, et c'est tout ce qui restera en orbite basse. Je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire en orbite basse encore de nos jours. En revanche, c'est d'aller plus loin, qui est beaucoup plus intéressant, et c'est là qu'on verra la concurrence entre les Chinois, les Russes et les Américains, et là, sans nous. Et c'est ça qui est important. Alors justement, peut-être qu'on peut... Christian Lardy, en un mot, mais... Complémenter un petit peu. Donc il y a du côté américain, après l'ISS, il y a ce qu'ils appellent le Deep Space Gateway, donc la station orbitale autour de la Lune. Voilà. Donc ça, c'est un programme qui est en cours et qui est prévu pour 2026 ou 2027. Qui n'est pas encore totalement financé, qui est encore un peu putatif. Si, c'est financé. C'est financé et le lanceur, le SLS, le fameux Space Launch System, là, le SLS, donc il est en cours de développement, il est financé. Donc là, du côté américain, je dirais que c'est plus clair que du côté russe. Hein, parce que du côté russe, il y a un projet de station orbitale, parce que les Russes ne veulent pas abandonner le vol habité. C'est eux qui ont été les premiers. C'est eux qui sont quasiment les derniers aujourd'hui, parce qu'à part la Chine, à quelques exceptions près, ce sont aujourd'hui encore les derniers à pouvoir le faire. Et c'est une fierté nationale, et pour les Russes, abandonner le vol habité, c'est inimaginable. Bon, ensuite... Les Russes, dans les années 70, voulaient aller sur la Lune, et le Soyuz T avait été conçu justement pour le programme lunaire soviétique qui a été abandonné lorsque les Américains ont réussi avant eux à envoyer l'homme sur la Lune. Ouais, alors ça, donc les Russes avaient cet objectif à l'époque, et je pense que comme tout le monde, ce qui intéresse, c'est d'aller plus loin. Ouais. Donc ça, c'était une version du Soyuz appelée le LOK. LOK, le LOK, hein, le LOK. Et puis il y avait aussi la version de survol lunaire, le 7KL1. Donc, qui était aussi prévu. Il y avait plusieurs versions dans les années 70 au moment de la course à la Lune. Donc, mais les Russes ont abandonné la course à la Lune en 74. À partir de 74, tout ça a été abandonné. Et ensuite, donc, pour revenir à la situation actuelle, donc, les Russes ont des projets aussi sur le papier de super lanceurs, de stations autour de la Lune. Mais est-ce qu'ils auront les moyens? Est-ce qu'ils auront l'argent de faire ça? On n'en a aucune certitude. Par ailleurs, donc, en ce qui concerne la Chine, qui est la troisième puissance mondiale dans le vol habité, elle monte, donc, elle assemble une station orbitale autour de la Terre. Bon, je sais que ça va te hérisser le poil, mon cher Patrick. C'est en 2020, hein, c'est en 2020, les Chinois assemblent une station orbitale. Et puis depuis 2003, seulement 4 taïkonautes lancés dans l'espace, donc avec quand même une fréquence d'envoi et une sécurité qui pour le coup n'est pas du tout celle éprouvée de Soyouz. En 2020, il y a la station internationale qui va être assemblée et les vaisseaux Shenzhou, qui sont des copies de Soyouz d'ailleurs, qui vont être utilisés. On va renvoyer les auditeurs, parce qu'on avait fait il y a quelques semaines une émission justement sur les ambitions spatiales de la Chine et de l'Inde. J'aimerais, pour conclure, qu'on dise un mot tout de même là, concrètement, de la situation et de l'ISS, parce qu'il y a encore du monde dans l'ISS. Pour le moment, il n'y a plus d'aller-retour possible, en tout cas à court terme. Si, si, si, si. Si, c'est le 3 décembre, le prochain lancement. 3 décembre, malgré l'accident? Ah ben bien sûr, le vol est programmé. Oui, enfin, l'accident n'a pas d'impact sur la succession des vols Soyouz prévus. Hein. Il y a déjà eu, depuis l'accident, 2 vols de Soyouz automatiques qui ont été réalisés. Mais non habités. Il y en a un demain de Kourou, avec un satellite météorologique, METOPC. Et d'ici la fin décembre, il y en a encore 5 ou 6 de prévus, dont un Progress et un Soyouz habité le 3 décembre. Donc, l'incident du 11 octobre, qui était un problème de capteur tordu à l'assemblage dans le bâtiment de Baïkonour, c'était pas un problème majeur. C'est pas quelque chose qui va clouer la fusée Soyouz au sol pendant des mois. La question qui se pose tout de même, c'est l'extrême dépendance de la communauté internationale pour les vols habités. Alors on sait que les États-Unis ont des programmes, comme vous l'avez dit, il y a aussi des programmes privés de SpaceX et de sa capsule Dragon. Patrick Baudry, l'Europe n'a jamais un excellent lanceur qui s'appelle Ariane 5 avec Ariane 6 qui va pas tarder à arriver, mais sur le vol habité, l'Europe est complètement démissionnaire. Est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est un choix stratégique? Est-ce que c'est une erreur selon vous? Bien sûr, c'est une erreur. C'est un manque de volonté de l'Europe. L'Europe a lancé un programme de vaisseau spatial habité qui s'appelait Hermès à la fin des années 80. Ce programme a été abandonné en 93. Et c'est regrettable, ça nous aurait permis d'acquérir une véritable autonomie en matière spatiale et donc d'avoir la capacité d'envoyer l'homme dans l'espace. Chose qu'on n'a toujours pas. Et aujourd'hui, on paye des billets un peu touristiques à des gens, à l'ESA, qui s'entraînent, qui sont des gens de très très haut niveau et qui sont utilisés pour faire des choses un petit peu dérisoires, à mon sens. Donc, c'est vraiment une position de l'Europe qui est difficilement compréhensible, qui vient certainement de son manque de volonté politique, bien sûr. Mais néanmoins, on a un niveau technologique, une capacité quand même en Europe qui est au moins du niveau de celle des Américains, des Russes, bien sûr, et des Chinois. On ne l'utilise pas et on est là à payer des places très chères pour voler à bord de vaisseaux spatiaux russes en ce moment, américains avant, puis dans le futur proche. C'est assez étonnant, c'est assez regrettable. Votre point de vue, Christian Lardier, sur cette position européenne? Elle a toujours existé, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de volonté européenne de faire du vol habité. Bon, il y en a eu à la fin des années 80, puisqu'on a, il y avait ce programme qui avait été décidé. Hermès, oui, mais bon, historiquement parlant, l'introduction du vol habité dans le programme spatial européen, ça date des années 70, quand les Américains sont venus solliciter les Européens pour contribuer au programme de navette spatiale. Et donc, à cette époque-là, les Français n'en voulaient pas, mais les Américains, donc, qui occupaient toujours une partie de l'Europe, notamment l'Allemagne dite RFA, République fédérale allemande, où les Américains faisaient la pluie et le beau temps, ont demandé aux Allemands d'être les leaders du vol habité en Europe. Ce qu'ont fait les Allemands. Donc ensuite, pendant que nous, en France, on finançait les lanceurs, Ariane a été essentiellement financée par les Allemands. La France. Les Allemands envoyaient des astronautes dans l'espace par l'intermédiaire de l'ESA, mais enfin, ils ont rien fait. On peut pas dire qu'un pays ait la maîtrise du vol habité quand il envoie un astronaute comme passager à bord d'un vaisseau spatial américain ou russe. Donc l'Europe, pour l'instant, n'a rien fait. Elle a rempli les vides avec des choses très belles, mais sans grand intérêt. On est vraiment dépendant des autres et c'est vraiment regrettable. En matière aéronautique, grâce au programme Concorde, on a aujourd'hui une industrie aéronautique extrêmement puissante, Airbus, et c'est grâce aux efforts que l'on a fait au sein de l'Europe, mais enfin au sein d'Airbus, et malheureusement, en matière spatiale, ce n'est pas la même chose. On peut tout de même peut-être rappeler que Soyouz est aujourd'hui commercialisé par Starsem, qui est une entreprise russo-européenne dans laquelle Ariane Espace et le EADS notamment ont départ, ce qui n'est pas non plus complètement être absent de ces vols spatiaux. Patrick Baudry, pour conclure en un mot. On a mis fort longtemps, en 89, j'ai amené les Français à Samara, à CSKB, pour justement qu'on coopère avec les Soviétiques, et à l'époque c'était encore... Et ça a mis presque 10 ans pour aboutir. pour lancer des IMIORCA depuis le chantier de Kourou. Là encore, ça a beaucoup traîné. Je pense qu'on a des délais de réaction vraiment très très lents. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler de l'histoire de cette fusée, de cette capsule Soyouz. Merci Patrick Baudry, merci à nos camarades de France Bleu Maine au Mans pour le duplex d'où vous nous parliez. Merci également Christian Lardier. Je rappelle votre livre coécrit avec Stéphane Barenski, Deux vies de Soyouz, c'est chez Edith. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Nomina Guetzin, Vulfranc, Tom Humdenstock, Emmanuel Olivier Bétard, pardon, à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. La suite de vos aventures dans La Méthode Scientifique, c'est demain une émission consacrée à l'informatique libre et gratuite, accessible à toutes et à tous, un monde numérique militant qui propose tous ses programmes en accès libre et en open source. Rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.